Le colonel partit. Je dis « Par fil, à droite !» Et nous entrâmes tous dans une enceinte étroite. De l'herbe, un mur autour, une église au milieu, et dans l'ombre, au-dessus des tombes, un bon Dieu. Un cimetière sombre, avec de blanches lames, cela rappelle un peu la mer. Nous crénelâmes le mur, et je donnai le mot d'ordre, et je fis installer l'ambulance au pied du crucifix. « Soupons, dis-je, et dormons. » La neige cachait l'herbe. Nos capotes étaient en loques. C'est superbe, si l'on veut, mais c'est dur quand le temps est mauvais. Je pris pour oreiller une fosse. J'avais les pieds transis, ayant des bottes sans semelles. Et bientôt, capitaine et soldats, pêle-mêle, nous ne bougeâmes plus, endormis sur les morts. Cela dort, les soldats. Cela n'a ni remords, ni crainte, ni pitié, n'étant pas responsable. Et glacé par la neige ou brûlé par le sable, cela dort. Et d'ailleurs, se battre rend joyeux. Je leur criai « Bonsoir !» Et je fermai les yeux. À la guerre, on n'a pas le temps des pantomimes. Le ciel était maussade, il neigeait, nous dormîmes.